Deuxième partie. Dans l'appartement des Louviers. Pierre Louvier entre. Ah, bonsoir, chérie. Tu as passé une bonne journée? Oui, pas mauvaise. Mais j'ai eu énormément de travail. Et comme toujours, les jeunes ne travaillent pas. Cet idiot de Pujos a téléphoné 3 fois à sa petite amie. Il la voit tous les jours. Et ce n'est pas tout. Ensuite, il a réservé des places au théâtre. Puis, il a pris rendez-vous avec son dentiste. Allons, Pierre, sois patient. Laisse-le tranquille, ce pauvre jeune homme. Les jeunes ne voient pas les choses comme nous. Tu le sais bien. Finalement, il a renversé son café sur des documents importants. Bref, il n'a rien fait de la journée. Au contraire, il a fait énormément de choses, me semble-t-il. Tu ne prends rien au sérieux. Tu prends toujours tout à la légère. Oh, Pierre, je prends beaucoup de choses au sérieux. Toi, par exemple, et Georges.